positions sont possibles. Soit allongé, soit les jambes allongées et en fait assis. Appuyez le dos, appuyez sur un coussin. En position allongée, vous pouvez choisir en fait l'attitude qui vous convient le mieux, celle dans laquelle vous endormez le plus facilement. Vous pouvez même faire cet exercice dans votre lit si c'est plus facile pour vous. L'essentiel étant de se laisser aller, de s'abandonner complètement. Préparez la soupe avant de faire cuire le chou. Quand la soupe bouillonne depuis une demi-heure, commencez à préparer le chou. L'ouvrir et trier les feuilles, les laver et les faire blanchir potentiellement en eau bouillante salée. Écoutez les feuilles sur la lame du blanc sans les briser, en menaçant la nervure centrale pour contrôler. Les juxtaposer et superposer pour former un grand cercle de 40 cm de diamètre. En laisser de côté pour couvrir la farce avant de reformer le chou. Nous sommes moins les victimes d'une prétendue accélération du temps que de la superposition de présents multiples qui entrent en conflit mutuel. En même temps que nous travaillons, nous répondons aux sollicitations de notre téléphone portable ou de notre ordinateur, nous écoutons la radio, etc. Parfois, cette juxtaposition de stimuli nous excite, puisqu'elle crée une sensation de temps. Les temps propres des individus se sont désynchronisés. En théorie de la relativité d'Einstein, le décalage des horloges représente un mouvement relatif dans le temps. Rêver régulièrement d'un monde atemporel où le jardin des êtres et des choses pourrait s'épanouir à l'abri des soubresauts du présent. Mais en pratique, comment faire ?